petit murmure de grandeur. Il semble faible, mais de rien il a peur. Il parle peu, alors qu'il a tant à raconter. Son pas est discret, son cœur plein de bonté. Quoi qu'on dise de lui, n'en crois pas un bruit. Il vient d'ailleurs de nulle part. Si tu le croises, ne détourne pas ton regard. Ne l'ignore pas. Il paraît perdu, mais où il va, il le sait. On le voit seul, mais s'il est vraiment, tu le sais. Il semble triste, mais quelle joie son contact. Pour une confiance, tu peux signer le pacte. Quoi qu'on dise de lui, pas un bruit. L'apparence, il est bizarre. Si tu le croises, c'est pour lui un peu dégueu. Ne l'ignore pas. Pas exister, se oublier.